Pensée et entité, enregistrement produit lors du mois de novembre de l'année 2022. Les pensées à caractère créatif n'origine pas de l'ego, de l'individu. L'individu peut seulement en être le réceptacle. L'individu, objectivement parlant, il ne peut pas décider d'avoir accès à des pensées créatives. Les pensées créatives proviennent d'entités qui vont les acheminer dans la psyché d'individus lorsqu'elles évaluent que c'est le moment opportun pour qu'elles aient, les individus, aient accès à ces derniers. Donc, une pensée créative est en relation avec l'implantation d'un nouvel élément dans un système de vie et de réalité. La portée peut être extrêmement grande car une fois que le nouvel élément est introduit dans un système, eh bien, par la suite, les êtres qui s'y trouvent peuvent y avoir accès. C'est-à-dire que si, par exemple, la pensée est introduite, c'est un peu comme un virus ou une bactérie. Donc, une fois qu'un virus est introduit au sein d'une population, bien, à ce moment-là, la population est pris avec, puis le virus peut muter. Et c'est la même chose par rapport à une pensée à caractère créatif. Une fois que la pensée est introduite dans un système de réalité, c'est sûr qu'il peut y avoir des individus qui vont la trafiquer, qui vont la réfléchir, mais l'élément, il va être là. Donc, pourquoi il est question de pensée et entité? C'est-à-dire que l'être humain va avoir à composer avec des entités, des êtres qui existent indépendants du plan physique. C'est sûr que l'être humain, dans certains cas, peut faire de l'entétisation, c'est-à-dire s'imaginer que le vent est une entité, l'eau, les différents éléments. Et en lien avec ça, il y a des gens qui, dans le passé, là, avaient des comportements là, comme prier pour que la température soit clémente et qu'il y ait des interférences qui soient faites là, par rapport à certains éléments météorologiques, prier le dieu du vent ou prier diverses divinités. Donc, en tant que tel, le vent n'est pas nécessairement une entité, mais un phénomène météorologique. Par contre, la réalité du vent et les autres réalités qui existent sur le plan physique sont le produit de la réalité au niveau nouménal qui a engendré ensuite le plan phénoménal. Donc, l'origine de tous les éléments, tous les concepts que l'être humain peut avoir accès proviennent d'un niveau de réalité autre. Ce qui est très différent ici comme vision que celle que présentent, par exemple, des matérialistes qui vont dire que c'est l'individu sur le plan physique, par l'activité de sa réflexion, qui va concevoir des concepts et le monde des idées. Donc, le monde des idées serait le produit du plan matériel, donc d'une perspective matérialiste, donc ce serait le produit de l'activité des neurones de l'individu qui engendrerait par la suite le monde de la pensée, des concepts et ainsi de suite. Alors que la perspective à partir de laquelle je vous parle, c'est plutôt celle que le monde des idées existe et ensuite le plan physique jaillit d'un autre niveau de réalité. Bien entendu, l'individu peut réfléchir à des idées qui lui ont été insufflées dans des temps lointains en son sein ou d'autres individus provenant du plan éthérique, mais qui ont été trafiqués par l'activité de la réflexion humaine, modifiés, qui ont été corrompus, un peu comme un fichier informatique. Par exemple, sur le plan de l'informatique, un concepteur de logiciel va générer un logiciel qui est fonctionnel et par la suite, il va y avoir des gens qui vont chercher à le pirater, à le modifier, à le faire dévier de sa voie d'origine. Et ça, on peut parler de l'activité des forces retardataires, donc des forces astrales, entre autres en relation avec l'activité d'individus orgueilleux qui vont chercher à faire du parasitage. Donc, des forces adverses qui vont aller à l'encontre aux idées primordiales qui ont été générées, et c'est ce qui a donné place, entre autres, à des aberrations sur le plan physique. Donc, l'être humain qui va avoir tendance à vouloir antithétiser la pensée, s'il le fait d'une perspective réflexive et non pas d'un constat objectif en fonction de sa sensibilité vibratoire, oui, à quelque part, il peut générer des croyances sécurisantes en relation avec certaines entités qu'il peut s'imaginer être à caractère angélique, donc des archanges, des gens qui, des êtres qui sont là pour le protéger. Il peut faire des projections de caractéristiques humaines par rapport à des entités qu'il va projeter sur l'horizon du monde. Ça, c'est un niveau de réalité, un piège en relation avec l'antithétisation. Mais en même temps, il existe quand même des entités en ce sens que il y a des êtres sur un autre niveau de réalité qui engendrent la pensée créative et que l'être humain ne peut pas décider de générer une idée créative par lui-même d'une manière totale et absolue. En ce sens que l'être humain, si c'est par exemple un artiste, il ne peut pas dire à 9 heures le matin, je vais avoir l'idée créative pour faire ma prochaine œuvre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ou avoir l'invention qui va lui permettre de, par exemple, générer un type de batterie automobile qui va être moins polluante. Donc, l'idée de génie va survenir dans son mental à 9h15 le matin. Ça ne fonctionne pas comme ça. La raison, c'est que l'idée, s'il y a à y avoir accès, va lui être acheminée dans le temps de l'esprit. C'est sûr que des êtres humains qui peuvent monter dans un état de colère mentale dans l'optique d'avoir accès à une idée créative, à une idée nouvelle, etc. Ces individus-là, sans s'en rendre compte, sont amenés à la colère mentale de par l'activité d'être sur le plan éthérique. Donc, c'est pas laissé au hasard. L'esprit peut être comparable, comme l'avait déjà fait un conférencier, à un individu qui va, d'une manière volontaire, faire une jambette à un individu qui pour le faire trébucher, puis par la suite monter en intensité, parce que quelqu'un qui tombe par terre, c'est contrariant. Et la montée en intensité est préméditée par l'esprit qui a créé le problème pour que l'individu en vienne à changer d'état d'être et devenir disponible par la suite à l'émergence d'une idée créative, parce qu'il évalue que c'est le temps qui a accès à ça. Et c'est même chose par rapport à l'humanité. Mais bien entendu, l'humanité présentement a accès, dans certains cas, à des idées en lien avec des armes. Et c'est en relation, ces idées, avec l'interférence d'entités astrales, d'êtres retardataires ou d'êtres qui proviennent de d'autres planètes qui ont généré du matériel qui se retrouve dans l'aura de la Terre et que des gens peuvent pucer. Mais fondamentalement, toutes les idées qui sont propices à la destruction des formes de vie qui sont de véritables pollutions psychiques, eh bien, ces idées sont le fruit d'idées d'un lointain passé qui étaient à l'origine créatives, mais qui ont été corrompues, un peu comme, par exemple, des pirates informatiques vont corrompre des logiciels ou vont demander des rançons à des individus en manipulant le réseau informatique pour utiliser ça à leur fin, pour, à quelque part, que leur ego reste en puissance. Et c'est des êtres de domination. Donc, la corruption du plan physique a amené, par la suite, entre autres, l'apparition d'armes de destruction qui sont la combinaison, dans certains cas, d'idées créatives qui avaient été infusées dans le mental, dans l'individu, dans du passé lointain, ou le fruit de la réflexion de l'individu qui compose avec des éléments physiques dans l'optique d'en faire des éléments de destruction. L'individu, dans le fond, Yo a constaté que le fait qu'il existe des entités est en relation avec l'orientation de la pensée qu'il capte. La pensée qu'un individu reçoit n'est pas anodine, n'est pas liée au hasard. Donc, les pensées qu'ont, par exemple, un individu qui est programmé pour œuvrer dans le domaine médical, eh bien, il va être orienté dans sa psyché pour s'intéresser au secteur médical. Quelqu'un peut être devant son ordinateur et ça peut lui dire intérieurement, « Va voir des documentaires à caractère médical sur Internet. » Donc, il y a cette idée-là qui revient souvent. Donc, parce que l'individu est programmé pour étudier la médecine. Pourquoi étudier la médecine plutôt que, par exemple, étudier la mécanique automobile? Pour des raisons de programmation. Et une programmation qui est en relation avec la contrepartie cosmique de l'individu, son esprit, va déterminer, va orienter la vocation de son existence sur Terre et le perfectionnement psychologique qu'il peut connaître de son vivant. En ce sens que si quelqu'un est orienté d'une manière récurrente à étudier la médecine, ben il va développer des compétences au fil des ans relatifs à cette discipline. Même chose pour l'autre personne qui est orientée depuis son enfance avec des pensées récurrentes à travailler sur des inventions en relation avec le moteur d'automobile. Donc, c'est à travers des récurrences de certaines pensées que l'être humain va être orienté dans une direction de vie plutôt qu'une autre. Ici, on fait référence à une vocation à caractère professionnel, donc une voie spécifique. Et le type de programmation que l'individu va vivre est toujours en relation soit avec l'esprit, sa source, ou des entités à caractère spirituel ou astral qui vont chercher à faire interférence avec sa programmation de base pour lui vampiriser ses énergies vitales. Donc, c'est sûr que ce qui arrive dans l'existence d'un individu, c'est qu'il y a au moins une entité maîtresse auquel il a à composer avec. Donc, tout dépendant de la façon qui est interprétée cette vocable ou entité primordiale qui se rapporte à son identité, à son existence. Certains vont parler de son esprit, son double. Il y a plusieurs vocables. Là, il y a des gens qui peuvent dire que de parler d'âme, de double, etc. C'est toutes des formes, des abstractions choséifiées pour essayer d'appréhender une réalité occulte. Certes, l'individu peut se mystifier à travers l'utilisation de multiples concepts pour appréhender une réalité, mais en même temps, il y a une réalité qui lui échappe en tant qu'être réflectif, en ce sens que sans qu'il décide, il a accès à des pensées, où il va être court-circuité par l'émergence de certaines pensées à travers de certaines activités. En ce sens que l'individu en tant qu'ego pourrait dire « Aujourd'hui, je ne pense pas à un éléphant rose. » Et sans qu'il décide, la pensée de l'éléphant rose va lui traverser pareil l'esprit. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il n'est pas l'origine de la pensée. C'est pas lui qui l'origine, la pensée. Et la pensée revient à plusieurs reprises dans une direction plutôt que d'autre pour l'amener à commettre certaines actions. C'est parce qu'à quelque part, il y a certaines forces qui cherchent à l'orienter dans sa vie, à le diriger. Donc, quelqu'un qui est dirigé dans une direction, certes, l'ego peut éventuellement se sentir contrarié lorsqu'il réalise cela. Et il peut monter en vibration dans un état oppositionnel par rapport à sa source pour comprendre l'intelligence qu'il a, par exemple, à ce qu'il étudie, par exemple, si on prend le cas de la personne qui étudie la médecine, donc l'individu peut poser la question à l'esprit, pourquoi tu m'orientes continuellement à étudier la médecine? Puis ça peut y répondre intérieurement. C'est parce que c'est intelligent que tu préserves ta santé compte tenu de la nature de ton existence et ce que tu as à accomplir. Donc, ça peut y répondre ça, ça peut y répondre d'autres choses. Et c'est sûr que l'individu, dans le fond, il y a des gens matérialistes qui vont dire ben, la pensée, s'origine de l'activité du cerveau. L'être humain est mystifié par rapport à certaines fonctions du cerveau, puis il a l'impression que ça vient d'ailleurs. Donc, c'est sûr que l'être humain, en tant qu'être réflectif, peut être mystifié, oui, par le cerveau, mais en même temps, la vision matérialiste n'explique pas tout. Et la pensée nouvelle ne peut pas être appréhendée totalement par une vision qui vise à comprendre les choses là, sur le plan physique ou les neurosciences là, qui sont produites à l'heure actuelle de manière à s'adresser à l'individu en tant qu'être rationnel, c'est-à-dire au mental inférieur. Ça explique pas tout, mais que ça donne certaines explications relatives. Par rapport à la pensée, ce qu'il y a à dire, c'est que la pensée restera toujours un mystère pour l'individu qui va chercher à l'appréhender d'une manière intellectuelle, car elle ne se comprend pas totalement d'une manière intellectuelle. Certes, la mécanique qui sert à recevoir la pensée ou l'activité dans certaines zones du cerveau plutôt que d'autres, lorsque l'individu est en contact avec certaines pensées, peut s'appréhender. Mais l'origine de la pensée, la source en tant que telle, d'une perspective matérialiste, ce n'est pas le cas. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura jamais une zone spécifique du cerveau où on va pouvoir voir la pensée faire son activité. Donc, on peut voir, c'est sûr, des neurones qui sont des relais de l'information par rapport à l'activité électrique de la pensée qui provient, entre autres, du plan éthérique. Donc, c'est comme pour la comparaison qui avait été faite entre l'être humain et la radio. Donc, on peut percevoir les différentes composantes de la radio qui servent à interpréter la pensée. Donc, l'une des composantes, c'est le cerveau, un peu comparable à un ordinateur. Il y a différentes puissances. Donc, il y a différents niveaux de comme les ordinateurs au fil du temps, il y a eu des ordinateurs avec une certaine vitesse. Il y en a d'autres qui sont plus rapides que d'autres pour traiter l'information. On va parler de la différence de quotient intellectuel par rapport à différents individus. Donc, il y a des gens qui ont un quotient intellectuel plus élevé que d'autres, d'autres moins. Mais c'est pas parce que la personne a un quotient intellectuel plus élevé que d'autres, un peu comme un ordinateur, qu'il y a une potentialité plus grande de puissance de traitement de l'information, que ça veut nécessairement dire pour autant que la personne va avoir accès à davantage de pensées à caractère créatif. Car il est possible que l'autre qui a moins quotient intellectuel moins élevé et que la personne a moins d'orgueil relative à la connaissance et accès à une activité à caractère intuitif et vibratoire plus grande que l'autre personne. Ce qui veut dire que la personne qui peut avoir une interface plus grande pour traiter et capter de l'information ou l'exprimer d'une manière précise à travers une activité de communication, comme par exemple la production d'un enregistrement. Donc la personne peut avoir développé des compétences intellectuelles qui lui permettent par exemple d'avoir accès à un vocabulaire riche et varié. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette personne va avoir une capacité aussi grande que l'autre qui n'a pas nécessairement toutes ses ressources cognitives pour avoir la capacité d'accéder à l'intelligence créative. L'intelligence créative, certes, dans certains cas, peut chercher à passer, à circuler au sein de l'individu qui est programmé pour être un communicateur et avoir accès à beaucoup de vocabulaire pour que la traduction de son déploiement à travers le plan physique et cet individu soit précis. Mais ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas d'une manière automatique, tout dépendant la nature de la fonction de l'individu. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a un quotient intellectuel un peu plus élevé qu'un autre que ça veut dire nécessairement que cette personne est davantage en contact avec l'esprit. Et ce n'est pas parce qu'une personne a plus accès de vocabulaire et des mots précis et des mots techniques pour appréhender certaines réalités avec précision que cet individu est davantage branché au niveau psychique et vibratoire qu'un autre individu que peu ou pas de vocabulaire. Ces éléments-là peuvent être indépendants. Par contre, l'individu est orienté à développer certaines compétences en relation avec l'agenda évolutif auquel il se rapporte. Donc, c'est sûr que si quelqu'un est voué à être un communicateur dans sa vie, ça se peut que depuis son enfance, il soit orienté pour, par exemple, faire de la lecture ou l'écoute de documentaires dans l'optique qu'il acquiert le vocabulaire nécessaire pour, par la suite, une fois rendu à l'âge adulte et dans un état de maturité suffisamment grand, actualiser la fonction par rapport à laquelle il est programmé depuis le moment de sa naissance pour actualiser un agenda à caractère évolutif. L'agenda à caractère évolutif est en relation avec des synergies qui se rapportent par rapport à différents esprits à l'échelle du cosmos, en relation avec l'actualisation d'un plan de développement pour la Terre. Bien entendu, ce plan peut être mis en échec ou retardé dans une certaine mesure par rapport au chevauchement que certains individus peuvent connaître à l'égard d'entités astrales qui sont oppositionnelles à ces réalités. Il peut y avoir des entités astrales qui vont nier l'existence de l'esprit pour amener la personne à être matérialiste, pour détourner la personne de sa dimension intuitive ou sa connexion avec le plan éthérique en cherchant à discréditer cette réalité pour que la personne fonctionne en vase clos en fonction des informations qui proviennent de ces cinq sens pour que l'individu soit programmable, hypnotisable en fonction de conditionnements sociaux qui le détournent de l'intelligence créative qui pourrait précisément le mettre en contact avec des pensées qui lui permettraient d'avoir accès à de l'intelligence en dehors de la boîte, en dehors de la programmation environnementale dans laquelle il va se trouver. Donc, c'est sûr qu'il y a des entités qui cherchent à discréditer les notions d'existence d'entité pour garder l'individu pris sous leur joug malgré lui. Donc, tant que l'individu croit que la pensée origine de lui, il est manipulable par les êtres qui induisent des pensées dans sa psyché à son insu et qu'il interprète comme étant sienne, qu'il va faire sienne d'ailleurs et qu'il va introjecter, pour employer un terme technique, donc qu'il va intégrer en ce sens dans son existence. Alors que si l'individu, à un moment donné, est traversé par l'intelligence et la fulgurance de la vibration créative de l'esprit, eh bien, à ce moment-là, ce type de conditionnement va être obligé d'éclater. Donc, si la personne a à réaliser autre chose à l'égard de la pensée, l'esprit peut mettre en place dans sa vie certains phénomènes à caractère paranormal qui vont à l'encontre de la vision matérialiste de la pensée, comme expérimenter un vécu qui est relatif à la télépathie. Donc, à un moment donné, l'individu a la pensée d'appeler quelqu'un, la personne l'appelle au même moment. L'individu, au début, qui a une vision matérialiste, peut vivre un choc par rapport à ce phénomène-là. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il peut dire « Ah, ça doit être le hasard », et puis il peut le réfléchir. Il peut avoir une activité dans sa psyché en relation avec une entité astrale qui cherche à résister à l'existence de ce phénomène pour le discréditer puis le maintenir dans une certaine façon sous son joug en disant « Non, ça n'existe pas, la télépathie, où il n'y a pas d'autre chose que le plan physique » pour précisément manipuler l'individu et le garder dans une vision, une compréhension de lui-même réduite. Mais si la personne, de par l'activité de l'esprit, a réalisé qu'il est un être multidimensionnel ou qu'il existe autre chose que le plan physique, bien, il va y avoir de plus en plus des phénomènes de télépathie qui vont se produire à un point tel que l'individu va être ébranlé dans sa vision qu'il pouvait avoir jusqu'alors du monde et de lui-même et de sa psyché. Donc, si quelqu'un a s'éveillé, il va être confronté à un véhicule à caractère paranormal qui va être mis en place en fonction d'un agenda évolutif par rapport au plan. Donc, qui vont chercher à ce qu'il y ait une compréhension différente de la réalité. En fait, l'individu est orienté dans sa vie par l'activité de la pensée pour avoir certaines visions des choses. Donc, l'individu est programmable Et rien n'est anodin, dans le sens que rien est lié au hasard d'une manière absolue. Donc, c'est sûr que l'individu, lorsqu'il s'intériorise et se conscientise, il peut avoir progressivement la capacité d'interagir avec l'esprit qui est derrière les programmations qu'il vit. Et ça peut lui donner accès à une forme de compréhension à travers un dialogue intra-psychique qu'il peut connaître à travers sa source, qui lui donne accès à un savoir à caractère vibratoire, par-delà l'intellect et par-delà la réflexion. Par contre, ce savoir à caractère vibratoire, l'ego, pour des raisons d'orgueil, il ne peut pas le changer, il ne peut pas le modifier. Il peut juste composer avec, il peut juste réaliser l'intelligence. Puis même s'il met en vibration à un moment donné pour entrer dans un état de contestation, si c'est un état de contestation à caractère créatif en relation avec l'esprit, ça va servir à déloger de l'astral ou déloger de l'incompréhension en lui pour éventuellement avoir accès au réel de qu'est-ce qu'il y a à vivre. Mais ça ne changera pas le réel de qu'est-ce qu'il y a à vivre qui existait déjà. C'est juste pour l'amener à un point de compréhension de qu'est-ce qui est déjà prévu par sa contrepartie cosmique. C'est tout. C'est un petit peu abstrait ce qui est abordé ici, mais c'est tout simplement de dire que, à quelque part, la vie ou l'existence de l'ego cherche est faite de manière, si l'ego a s'éveillé d'une réalité à caractère cosmique qui le rattache au plan de l'esprit, ben ça va, son existence par rapport à la nature des événements, des discussions avec les gens ou autres, tout ça va être coordonné au niveau de l'esprit en ce sens. Bien entendu, par des forces retardataires qui vont chercher à ne pas reconnaître certaines choses ou à ne pas dévoiler certaines choses ou à nier certaines choses ou à ridiculiser certaines théories, ridiculiser certains propos, s'en dissocier, ainsi de suite. Mais si l'individu est honnête avec lui-même et transparent dans l'ego, il n'a d'autre choix que de reconnaître le réel dans sa nature vibratoire fondamentale et composée avec lui. L'esprit, dans son rapport de force, c'est avec les entités astrales qui peuvent chevaucher l'ego ou les idées erronées qu'il peut avoir pour que l'ego s'en départisse. Donc, c'est sûr que tout ça est extrêmement complexe et subtil. C'est sûr que ça peut donner place à de la mésinterprétation. C'est sûr que ça peut donner place à de l'entitisation, mais ce n'est pas parce que l'ego peut en faire de l'entitisation de certains éléments que ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'entité qui existe, qui est extrêmement subtile, complexe, qui peut. Tout ça peut être mal interprété naturellement, comme toutes choses qui peuvent être dites. La raison en est que tant que l'individu a une compréhension relative de la réalité ou tant qu'il a la capacité de réfléchir, tant aussi longtemps que l'individu a la possibilité de corrompre de l'information qu'il peut recevoir. Pour que l'individu ne corrompe pas l'information reçue de par le plan de l'esprit, eh bien, il faut que l'individu soit transparent, c'est-à-dire qu'il soit dépouillé d'un conditionnement social, qui soit dépouillé du chevauchement d'entités astrales, qui soit dépouillé d'un mémoriel à caractère involutif, un mémoriel qui l'enlise dans certaines croyances, certaines coutumes, certains rituels, qui le détourne de lui-même. Donc, il faut qu'une épuration psychique soit faite, un certain ménage. Et le ménage va être en relation de l'activation du feu au sein de l'individu qui le relie au plan éthérique, qui va l'amener à s'épurer du parasitage psychique au fil du temps. Mais pour que l'individu connaisse le feu, il faut qu'il soit mis en vibration par l'esprit. L'individu ne peut pas décider par lui-même de connaître le feu de l'esprit. Il peut, comment dire, faciliter ou composer intelligemment avec lui en ne lui faisant pas obstacle, donc en ne diffractant pas l'énergie du feu à caractère solaire qu'il peut connaître en son sein, en ne cherchant pas à l'éteindre en fonction d'idées astrales, d'idées retardataires, d'un conditionnement social qui fait plaisir à son égo. Donc ça demande une certaine forme de retenue de l'individu pour l'amener à être capable de dire non par rapport aux pensées erronées qui peuvent chercher à prendre le pas sur les pensées porteuses d'une vibration qui vont favoriser son renouvellement psychique intégral. Donc, soit l'individu peut collaborer avec le processus, ou soit que l'individu peut chercher à retarder le processus. Mais si le processus d'un renouvellement psychique de sa conscience va s'opérer dans le cadre de son existence, eh bien, l'esprit va mettre en branle par différents événements, par différents contacts avec d'autres individus interposés, des situations qui vont être propices à ça. Et l'esprit est comparable à un joueur d'échecs qui a toujours un coup d'avance sur l'ego qui réfléchit. Parce que l'intelligence créative est plus vite que l'autre qui utilise les informations relatives au mémoriel pour par la suite faire un mouvement. Ça fait partie de sa nature. Donc, toute résistance par rapport à l'esprit d'une manière absolue est une perte d'énergie. Ce qui fait en sorte que, quelque part, c'est sûr qu'un individu peut perdre de l'énergie parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à faire, mais il ne le fait pas, il le remet à plus tard. Il peut faire de la procrastination pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, mais tôt ou tard, lorsque l'esprit évalue qu'à un moment donné, il faut que ça change, ben, il va créer une situation choc pour que l'ego se défasse d'une idée erronée. Donc, c'est juste une question de temps et c'est juste une question de temps avant qu'il y ait la restauration de la situation sur la Terre en relation avec l'activité créative du plan éthérique. Certes, l'humanité est confrontée à des problèmes de pollution depuis le début de l'ère industrielle qui gagne en importance depuis environ 150 ans. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'intelligence créative éventuellement aura le dessus sur les problèmes de pollution psychique qui se rapportent à la Terre, qui donnent place à des problèmes de pollution à caractère physique par la suite. Donc, c'est juste une question de temps avant que le ménage soit fait dans la psyché des individus de la Terre et également par rapport à l'environnement. Donc, c'est inévitable et c'est en lien avec le fait aussi que l'individu n'a pas d'arbitre dans le sens absolu, ce qui fait en sorte que s'il n'y a pas de libre arbitre de manière absolue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider en tout temps c'est quoi la pensée qu'il y a dans le mental, bien, il est orienté dans sa vie, dans une direction ou dans des directions plutôt que d'autres. C'est sûr que l'illusion du libre-arbitre peut être en relation avec l'activité d'un côté de l'esprit et d'autre côté des forces retardataires qui lui donnent l'impression qu'il y a quelque part des choix. Mais tôt ou tard, l'activité des forces retardataires va être neutralisée par l'activité de l'esprit, ce qui fait en sorte que l'impression de choix va être appelée à diminuer, bien entendu, au sein de la psyché de l'individu qui a à connaître de son vivant une altération de sa psyché d'une manière significative du plan éthérique. C'est pas tout le monde qui a à vivre ça présentement. Et le but de l'énergie, c'est quoi? Ben, c'est de passer au sein de certains individus qui en deviennent des catalyseurs de son expression sur le plan physique pour œuvrer par la suite à la restauration d'une manière explicite ou implicite du plan physique de par leur rayonnement, de leurs actions et également de leurs pensées qui se rapportent à ce plan de réalité. Certes, un individu, à un moment donné dans sa vie, peut avoir accès à des idées créatives, par la suite devenir orgueilleux. Prenons par exemple le cas d'un inventeur qui, à un moment donné, il était ouvert d'esprit, il intercepte une idée créative, par la suite il devient orgueilleux en lien avec son invention, puis par la suite, ben, il n'est plus capable de générer d'autres inventions. Pourquoi? Parce qu'il se réfléchit comme étant tout-puissant, comme étant quelqu'un de plus intelligent que les autres, et ainsi de suite. Donc, son mouvement d'orgueil est neutralisé par l'esprit qui ne lui donne pas accès à d'autres idées créatives qu'il pourrait récupérer pour continuer un mouvement d'influatuation, d'augmentation de l'ego qui devient de plus en plus démesuré. Donc, pour contrer ça, il y a certaines personnes qui ont accès à une idée créative dans leur vie et ensuite c'est fini. Il y en a d'autres qui peuvent avoir accès à plusieurs idées créatives. Et ça, c'est en fonction de ce que chacun a accompli ou à vivre sur Terre en vertu de la programmation qui relie la personne au plan éthérique. Certes, il peut y avoir des inventeurs très orgueilleux qui ont eu l'impression qu'ils ont eu accès à plusieurs idées créatives, mais ça pouvait être tout simplement des idées qui étaient déjà dans le système terrestre en relation avec des idées qui se trouvent, ce que certains appellent les annales akashiques, qui relient l'être humain à des civilisations du passé. Prenons par exemple le cas de la civilisation de l'Atlantide qui avait accès à des informations ou à des connaissances qui sont voilées pour des individus de l'époque actuelle. Si un individu a accès à une information qui provient d'une humanité antérieure à celle de l'humanité actuelle, eh bien cette idée peut être interprétée par d'autres individus comme étant créative alors qu'elle ne l'est pas sur le plan absolu. L'individu, ce qu'il a fait, c'est que tout simplement puisé dans de la mémoire morte qui le relie au plan de la mort. Et le plan de la mort est composé d'entités à caractère astral qui ont un certain orgueil et qui vont cumuler les formes qui ont été déployées sur la Terre depuis l'origine de l'humanité. Donc, il y a un bagage mémoriel qui est généré, qui est entreposé sur le plan astral au fil du temps, en relation avec l'activité expérimentale de l'être humain sur le plan physique. Et plus que ça augmente, et plus que le plan astral, un peu à l'image d'un avocat qui va dire à un individu, tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Bon, bien, toute pensée créative qui provient du plan éthérique par des individus peut être retenue par la suite par le plan astral contre le plan éthérique, qui va prendre des idées à caractère créatif et nouvelles et en faire de la mémoire morte, récupérer ça dans un système de réalité pour retarder l'individu dans son évolution. Donc, il y a toujours ce jeu des forces retardataires qui récupèrent et accumulent toutes les formes pensées qui sont émises dans le système terrestre pour se maintenir en puissance pour des raisons d'orgueil et également de domination. Donc, tout ce qui peut émerger du plan éthérique, comme mentionné précédemment, peut être retenu contre ce plan, ce qui fait en sorte que le plan éthérique doit faire un dévoilement intelligent des pensées qui s'y trouvent et aussi de son agenda. Donc, certaines choses relatives au plan éthérique, par exemple, la programmation qu'il peut avoir pour les prochains mois ou les prochaines années, que, à quelque part, c'est intelligent que ça ne soit pas dévoilé à des êtres humains qui pourraient avoir accès à une voyance absolue, car à ce moment-là, les plans astraux pourraient avoir accès à l'information qui serait véhiculée par des individus relatifs aux prochains mois, et les plans astraux pourraient œuvrer à des agendas qui seraient contre-productifs par rapport à celui du plan éthérique s'il y avait accès. Donc, autrement dit, l'intelligence des forces retardataires, s'elles avaient accès d'une manière absolue à la compréhension de l'agenda du plan éthérique, elle pourrait mettre en place des programmations retardataires sur la Terre ou manipuler des individus pour empêcher d'une manière efficace son déploiement. Mais comme les aides du plan éthérique sont conscients que toute information induite dans le système terrestre peut être récupérée par la suite par les formes retardataires, eh bien les aides du plan éthérique ne dévoileront pas tout leur jeu naturellement. Ce qui fait qu'il peut y avoir une dose de mystère se rapportant à ce qui est prévu advenir sur la Terre pour les prochaines années ou les prochains siècles. Certes, des individus qui ont une certaine faculté de voyance et qui ont à implanter certaines idées créatives pour préparer le terrain à l'égard de l'avenir peuvent capter certaines brides d'informations. Mais à quelque part, c'est pas dans l'intérêt du plan éthérique que leur plan, d'une manière détaillée, soit rendu accessible à tous. Parce que parmi les êtres sur la Terre, il y en a qui sont chevauchés par le plan astral et qui pourraient mettre en place des actions, des agendas, des systèmes de croyances pour court-circuiter l'actualisation d'un plan créatif qui va favoriser la restauration de la psyché des êtres humains sur Terre. Parce que le combat qui présentement se déroule sur le plan occulte, et c'est un combat qui a cours depuis plusieurs années, c'est celui qui est fait pour l'intégrité psychique des individus. Et c'est l'enjeu, c'est la psyché des êtres sur la Terre. Donc, sur la Terre, il y a des forces sur le plan physique, des pays qui peuvent faire la guerre pour des raisons d'emplacement géopolitique, par exemple, de ports qui leur donnent accès à l'océan. Il peut y avoir des enjeux de guerre en lien avec l'accès au pétrole, en lien avec éventuellement l'accès à l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, en lien avec l'économie de la connaissance, le savoir. Mais l'enjeu ultime qui se trame derrière les combats occultes entre le plan éthérique et le plan astral, c'est la conscience de l'individu et son intégrité psychique. C'est ça l'enjeu ultime auquel les êtres humains sont confrontés. Et c'est là que se produisent les combats à caractère occulte entre les différentes puissances. Sur la Terre, il y a des puissances opposées par rapport à des forces relatives à des armées différentes qui se rattachent à des pays qui ont certaines programmations qui divergent. Au niveau occulte, c'est un petit peu le même principe. Il y a des forces d'assaut psychique en lien avec le plan éthérique et des forces de contre-offensive astrale qui vont chercher à freiner l'émergence de l'être humain nouveau qui vit dans un état psychique et vibratoire en harmonie avec le plan éthérique sur le plan physique. Donc, c'est ce qui se produit présentement. Pour en revenir à la question de la pensée et des entités, c'est que l'être humain, tôt ou tard, a réalisé que le simple fait que la pensée qu'il capte est orientée dans une direction plutôt qu'une autre, et qu'en tant qu'ego, lorsqu'il réalise que la pensée, il n'a pas choisi de l'avoir, bien, cette orientation est le signe que quelque part, il y a une force qui l'active. Bien sûr, des gens sur le plan matérialiste peuvent évoquer différents éléments qui vont orienter la pensée de l'individu, mais à quelque part, il y a des limites par rapport à ça. Donc, c'est sûr que si, par exemple, l'individu se trouve dans une pièce et qu'il fait froid, et qu'il fait le constat qu'il ferait froid et qu'il réfléchit au fait qu'il fait froid, ben oui, ça peut être la condition de la pièce et non pas une entité, le froid n'étant pas une entité qui occasionne l'idée qu'il fait froid. Donc, c'est en lien avec l'activité d'une réflexion, c'est un constat qui est fait. Par contre, s'il y a une idée créative qu'il n'a pas cherché, par exemple, c'est le matin et qu'il y a l'idée d'aller faire un voyage à Cuba, alors qu'il n'a pas écouté de vidéo en lien avec Cuba, il n'a rien fait par rapport à ça, et c'est une pensée qui semble survenir de nulle part et qu'une certaine vibration. C'est possible que l'esprit cherche à l'amener à voyager à cet endroit, car lorsqu'il va s'y trouver, il va interagir avec certains individus et ça va participer à un agenda créatif. Donc, il peut y avoir un mouvement vibratoire qui semble venir de nulle part, qui est en relation avec l'orientation de l'esprit qu'il cherche à donner à l'existence de l'individu pour l'orienter par rapport à une certaine chose à accomplir plutôt qu'une autre. Et ce type de pensée, dans certains cas, peut apparaître comme étant décousu, n'ayant aucun lien avec l'action en présence ou l'activité qui a eu cours dans les journées précédentes. Sinon, l'une des manifestations qui va illustrer la présence d'une entité derrière la pensée acheminée à des individus, c'est à travers, entre autres, le phénomène de la télépathie. C'est-à-dire que deux individus qui peuvent être séparés par une grande distance sur le plan physique, peut-être même des centaines, voire des milliers de kilomètres, eh bien, si ces gens ont la même idée simultanément, alors qu'ils ne se trouvent pas sur le même continent, de s'appeler au même moment. Il y en a un qui pense appeler l'autre, puis l'autre, il l'appelle au même moment. Donc, ce qui arrive dans ce type de phénomène-là, c'est que l'entité qui est derrière le phénomène de la pensée va acheminer à deux individus simultanément la même idée, c'est-à-dire qu'ils doivent se parler. Et les deux individus, à l'image de deux réceptacles radio, un peu comme deux personnes sont dans leur automobile puis reçoivent les ondes qui se rapportent à la même émission de radio simultanément, bien, c'est le même principe. Donc, deux interfaces psychiques reçoivent la même information qui provient d'une entité pour qu'ils se communiquent. Et ce qui est en relation avec le fait que la pensée n'origine pas de l'ego, de l'individu, c'est des phénomènes un peu comme la télépathie qui permettent, si c'est des phénomènes qui arrivent au-delà de la loi des probabilités, là, de témoigner de manière non équivoque que, à quelque part, derrière le phénomène de la pensée, il peut avoir une direction, il y a une entité, une orientation, donc une conscience qui oriente, par exemple, deux personnes à se parler en même temps, les deux reçoivent en même temps la pensée qu'il faut qu'ils se parlent. Donc, ils vont être orientés dans un comportement. Et s'il y a une direction, il y a une visée, ça témoigne qu'à quelque part, il y a un principe intelligible derrière ça. C'est pas juste lié à du hasard ou la loi des probabilités. Donc, c'est ça qui devait être rajouté au propos. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.